he asked. Why is the eradication of craving said to be the most excellent? The Buddha replied, eradication of craving overcomes the samsara, dukkha. So yesterday, I stopped with the expression of the Buddha, Nekachati Sansara Santavisa Anipisa Kahakara Kuisanto Dukkachati Puna Puna. I, who have been seeking the builder of the house, this house, unable to find him, then go through again and again, born samsara dukkha. So today I would like to continue to explain what is a house, what is a builder. Aujourd'hui, je vais poursuivre l'enseignement d'hier et continuer à vous expliquer la réponse que le Bouddha donna au roi des Devas lorsqu'il lui demanda « Pourquoi dit-on que l'éradication du désir surpasse toutes les éradications ?» La réponse du Bouddha était « En éradiquant le désir, on surmonte les souffrances du samsara. » Hier, je vous ai expliqué les paroles que le Bouddha a prononcées au moment de son illumination. Architecte de cette maison, je t'ai trouvé. Tant que j'étais incapable de te trouver, j'ai dû errer dans le samsara et endurer toutes les souffrances du samsara. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que veut dire la maison et ce que veut dire l'architecte. Le Bouddha a donc utilisé une métaphore. Il a parlé d'une maison qui est construite par un architecte. Qu'est-ce que la maison dont parle, en quoi consiste la maison dont parle le Bouddha? La maison, c'est le corps et l'esprit. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que le corps et l'esprit, c'est nama et rupa. La naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, sont souffrances. Le corps et l'esprit sont souffrances. Les cinq agrégats d'attachement sont souffrances. Tout cela, c'est donc la maison. Qui construit la maison? Qui est l'architecte de la maison? Le Bouddha nous dit que c'est le désir et l'ignorance qui sont les architectes. Il n'y a pas de créateur. Le désir et l'ignorance construisent le corps et l'esprit. La cause de la souffrance, selon le Bouddha, c'est donc tanha, le désir, et avijja, l'ignorance, qui toutes deux construisent le corps et l'esprit. En Asie, on croit que les êtres sont créés par Brahma. En réalité, il voudrait s'exprimer autrement et dire que Brahma ne crée pas vraiment les êtres, ce sont les êtres qui proviennent de Brahma. En Inde, comme vous le savez, il y a le système des castes, encore en vigueur actuellement. Il y a 4 castes. La première, c'est la caste des Brahmanes. La deuxième, c'est la caste des Satyas ou Kshatriyas. La troisième, c'est la caste des Vaisyas. Et la quatrième, c'est la caste des Sutras. En Inde, on croit que la classe des Brahmanes est la plus haute, puis ensuite la classe des Satyas, puis celle des Vaisyas, et enfin celle des Sutras. Pourquoi la classe des Brahmanes est-elle considérée comme la plus élevée? Parce que, selon cette tradition, les Brahmanes sont nés de la bouche de Brahma. Viennent ensuite les Satyas, qui sont nés de la poitrine de Brahma. Ensuite, les Wissas, comme les intellectuels, les fermiers, les charpentiers, les Wissas sont nés du genou de Brahma. Et la dernière classe, les Sutas, les intouchables, les personnes sans éducation, sont nés du pied de Brahma. Mais lorsque le Bouddha est apparu, il a enseigné que personne ne crée les êtres. Les êtres dépendent tous de leur karma. C'est pourquoi il a dit « Nous sommes les propriétaires de nos actes, nous sommes les héritiers de nos actes. Personne ne crée les êtres. Tant que l'on n'a pas atteint l'illumination, on sera condamné à reprendre naissance ad vitam aeternam dans différents mondes. Dans le plan humain, dans le plan des devas, dans le plan animal. Les êtres dépendent donc de leurs actes. C'est Tanha et Avidya qui sont les causes pour la renaissance. Tanha, c'est le désir, l'avidité. Avidya, c'est l'ignorance. C'est pourquoi le Bouddha a prononcé ces paroles au moment où il a atteint l'illumination. J'ai cherché l'architecte de cette maison. Mais faute de l'avoir trouvé, j'ai dû errer dans le samsara. Maintenant, architecte, je t'ai trouvé. Au moment donc où le Bouddha a atteint l'omniscience, il a trouvé l'architecte de la maison. Avidya, c'est l'ignorance. L'esprit est ignorant. Il ne sait pas ce qui est juste, ce qui est faux. Il ne sait pas ce qui est à faire et ce qui est à éviter. Tuer, voler sont des actions à éviter. Méditer est une action à développer. L'esprit ignorant ne fait pas la différence entre ces deux choses. Il fait ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qui est à développer et ce qui est à éviter. Parfois, les gens pensent que c'est Dieu qui crée les êtres. Ils pensent parfois qu'il y a une âme dans le corps qui contrôle tout. Ils pensent qu'à la mort, seul le corps disparaît, l'esprit quitte le corps et se trouve un nouveau corps. Ils croient qu'il y a à l'intérieur d'eux une entité permanente. Parfois, les gens pensent au contraire qu'après la mort, il n'y aura plus rien. Ceci est également une vue fausse. L'esprit ignorant ne distingue donc pas ce qui est juste de ce qui est faux. C'est avidya ou moha. Avidya ou moha, c'est comme être aveugle. Un aveugle ne voit rien. Il tombe très facilement dans les trous. Il est constamment en danger, tout simplement parce qu'il ne voit pas. C'est pour cette raison qu'on compare avidya au fait d'être aveugle. Nous sommes des êtres ordinaires, pas encore illuminés, et donc nous avons beaucoup d'ignorance, beaucoup de moha ou d'avidya. Quant à Tanha, c'est également une cause. Tanha avec Avidya sont les architectes de cette maison. Après la mort, nous espérons reprendre naissance. Nous aimerions reprendre naissance dans un bon plan, par exemple dans le plan humain. Nous comprenons que si nous faisons des kusalas, des actions positives, nous pourrons reprendre naissance dans un bon plan, comme par exemple le plan des devas ou le plan des humains. Mais ceci, c'est le désir, l'avidité. Nous savons que si nous faisons des actions positives, nous reprendrons naissance dans un bon plan, que si nous faisons des actions négatives, nous reprendrons naissance dans un mauvais plan. Je vous ai expliqué hier qu'au moment de la mort, trois choses sont susceptibles de se manifester dans l'esprit. L'éradication du désir permet de surmonter les souffrances du samsara. Le samsara, c'est le corps et l'esprit, les souffrances liées au corps et à l'esprit. Lorsque donc le Bouddha atteint l'illumination parfaite, il trouva la cause, l'architecte de la maison. C'est tanha et avijja. Tanha, c'est le désir, avijja, c'est l'ignorance. Vous qui êtes ici et qui pratiquez les quatre établissements de l'attention, vous êtes attentif au corps, à toutes les activités physiques. Vous êtes attentif aux sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, physiques ou mentales. Vous êtes attentif à la conscience, toutes les activités de l'esprit, et vous êtes attentif au Dhamma, comme voir, entendre, goûter, sentir, toucher, penser. Vous êtes également attentif aux empêchements. Lorsque vous êtes donc très attentif, au moment précis où vous notez, il n'y a aucun désir dans votre esprit. L'esprit voit clairement l'objet, il comprend clairement. Lorsqu'il observe par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il expérimente le mouvement. C'est comprendre clairement. Lorsque donc vous notez attentivement, si vous regardez bien, vous pourrez constater que votre esprit est clair et pur, qu'il comprend et qu'il n'y a aucun désir. Vous avez éliminé l'ignorance. Parce que vous comprenez clairement, vous avez la sagesse. Et de plus, il n'y a pas de désir. Vous surmontez alors, temporairement, les souffrances du samsara. Mais vous n'êtes cependant pas encore devenu un arhat. Les arhats ont éliminé définitivement, ont surmonté définitivement toutes les souffrances du samsara, à 100%. Vous les avez éliminés temporairement. Si vous êtes capable de voir les apparitions et disparitions des différents objets, cela veut dire que votre attention est devenue très forte. Votre compréhension est très claire. Mais si vous n'êtes pas très attentif, il n'est pas possible de voir les apparitions et disparitions. Au début du stage, il n'est pas facile de maintenir l'esprit fixé sur les mouvements de l'abdomen. Mais après quelque temps, vous réussirez à noter attentivement ces deux mouvements. Et au moment où vous notez ne fût-ce qu'un seul mouvement de soulèvement, vous verrez qu'il y a en réalité beaucoup de petits mouvements qui se succèdent. Lorsque vous noterez ne fût-ce qu'un seul mouvement d'abaissement, vous verrez qu'il est constitué d'un grand nombre de petits mouvements. Vous voyez cela très clairement. Vous voyez que le mouvement n'est pas continu, qui se produit par étapes successives. Et lorsque vous observerez le pas gauche et ensuite le pas droit au moment de la marche, vous pourrez expérimenter également que ce mouvement se produit par étapes successives. Vous notez voir lorsqu'il y a une image ou un objet visible. Au moment précis où vous notez voir, il n'y a aucun désir. Vous n'avez aucun désir, même si cet objet est beau. Vous vous êtes arrêté au simple fait de voir. L'esprit ne va pas au-delà du simple fait de voir. Au début, quand un objet agréable se présentait, l'esprit réagissait immédiatement. Il le trouvait beau, par exemple. Si l'objet était beau ou agréable, le désir apparaissait. Mais maintenant, comme vous êtes devenu très attentif, au moment où un objet visible se présente, vous notez voir, même si cet objet est plaisant, et votre esprit ne va pas au-delà du simple fait de voir. Le désir n'apparaît pas, le désir pour cet objet agréable ne se manifeste pas. Ce matin, à l'entretien, Jung m'a demandé de parler des contacts sensoriels et plus précisément de l'œil, de la partie sensitive de l'œil et de la conscience visuelle. Ce sont des choses dont j'ai parlé l'année dernière et il aurait voulu avoir des informations complémentaires à ce sujet. Mais si je commence à parler de ces choses, qui sont cependant très intéressantes, je ne pourrai pas finir l'enseignement sur les questions du roi des Devas. C'est pourquoi je n'en parlerai pas aujourd'hui. Lorsque donc vous pratiquez de façon très attentive et que vous notez tous les objets qui se manifestent avec beaucoup de précision, la compréhension va progressivement se développer. Vous réussirez à expérimenter non seulement les objets grossiers, mais également des objets très subtils. Ces objets très subtils vont devenir de plus en plus clairs dans votre esprit. Et en même temps, vous pourrez observer votre corps et votre esprit. Plus vous êtes attentif, mieux vous voyez. Vous êtes ici à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous êtes sur le point de noter l'objet et il disparaît. Vous voyez les mouvements qui disparaissent. Vous ne réussissez plus à les noter comme avant. Avant, lorsque vous notiez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ils vous apparaissaient dans leur forme grossière. Lorsque votre esprit réussit à atteindre l'objet avec précision, vous devenez heureux, vous êtes satisfait de votre pratique. Et petit à petit, lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous ne voyez plus la forme. Vous voyez que le mouvement est discontinu, qu'il se produit par étapes successives. Le mouvement devient de plus en plus subtil. Vous pouvez encore le sentir, mais il est devenu de plus en plus subtil. Parfois, au moment où vous observez attentivement, vous pouvez constater que le mouvement a carrément disparu. Il n'y a plus de soulèvement, plus d'abaissement. Vous êtes alors dans la confusion. Vous ne savez pas quoi faire. Le professeur va vous demander de noter la posture assise et le toucher. Mais ici aussi, tôt ou tard, cette posture assise et ce toucher ne vont plus vous apparaître clairement. Vous ne reconnaissez plus la forme. Où est mon corps? Il a disparu. Il n'y a plus de sensation de toucher. L'idée de votre corps ne vous appartient plus à l'esprit lorsque vous notez. L'idée de l'abdomen qui se soulève ou de l'abdomen qui s'abaisse ne vous vient plus non plus à l'esprit. La posture assise, le toucher, tout cela également a disparu. Vous êtes dans la confusion. Comment devez-vous noter? Vous devez alors noter, être conscient. L'attention est donc la chose la plus importante. Si nous sommes attentifs, la sagesse va spontanément se manifester, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est pourquoi il est dit « La sagesse vient de la méditation. Sans méditation, la sagesse est perdue. » Si nous réussissons à maintenir notre attention de façon continue, nous verrons les choses très clairement. Plus nous serons attentifs, mieux nous verrons. La sagesse va se développer de plus en plus. L'esprit ne sera pas ignorant et il n'y aura aucun attachement, aucun désir au moment où on note. Nous pourrons ainsi atteindre l'illumination. Nous pourrons éradiquer le désir selon le degré d'illumination que nous aurons obtenu. Si nous atteignons l'état d'arhat, le désir aura été complètement surmonté. Si le désir est complètement surmonté, complètement éradiqué, il n'y a plus de renaissance. S'il n'y a plus de renaissance, il n'y a plus de vieillissement, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort. et on atteint Nibbana. Je vais conclure l'enseignement qui portait donc sur les quatre questions que le roi des Devas avait posées au Bouddha. De tous les dons, quel est le meilleur? De tous les goûts, quel est le meilleur? De tous les bonheurs, quel est le meilleur? Et pourquoi dit-on que l'éradication du désir est la meilleure des éradications? Vous avez entendu les réponses que le Bouddha a apportées à ces questions. Après avoir répondu à la dernière question du roi des Devas, ce dernier demanda au Bouddha: Vénérable, si le don du Dhamma surpasse tous les dons, pourquoi ne sommes-nous pas invités à partager les mérites? Je vous demande, vénérable, à partir de maintenant, de pouvoir recevoir les mérites lorsque les dévots font des actions méritoires. Les Devas aimaient en effet beaucoup recevoir les mérites. C'est pour cette raison que le Bouddha demanda que lorsque on serait amené à faire des actions positives, on devrait dorénavant partager les mérites avec tous les êtres. Depuis ce jour, lorsque les dévots faisaient un don, ils ont pris l'habitude de partager les mérites avec tous les êtres, c'est Patidana. Et les Devas, quant à eux, qui recevaient les mérites, marquaient leur approbation, leur acceptation, en répétant trois fois Sadhu. Il faut savoir que les Devas ne peuvent pas faire des dons comme le font les humains. Les humains, dans le plan humain, on peut faire des dons, on peut faire dana, mais ce n'est pas le cas dans le plan des Devas. Un jour, un disciple du Bouddha, Kassapatera, voulut venir en aide à un vieillard. Il prit son bol et alla chez cet homme qui vivait avec sa femme. Mais le Deva avait compris qu'en réalité, il ne s'agissait pas vraiment d'un vieillard et de sa femme. C'était des Devas qui voulaient faire dana, et pour pouvoir le faire, ils étaient venus dans le plan humain en tant que pauvres. Le Deva savait que ces gens, dans le plan des Devas, ne pouvaient pas réaliser leur but. C'est pourquoi ils s'étaient en fait déguisés en humains. Nous devons donc nous considérer comme chanceux parce que, en tant qu'humains, nous avons la possibilité d'accumuler des actions méritoires, des kusala, en faisant des dons. Puissiez-vous tous être heureux et en paix, puissiez-vous pratiquer de façon diligente, puissiez-vous, par votre pratique, comprendre clairement le Dhamma et réaliser Nibbana. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice, may you understand the Dhamma clearly. Then attain Nibbana.